Et c'est fini pour ce soir. On va se retrouver dès demain sur Fun Radio. À partir de 20h, on sera là, bien sûr, hein, comme d'habitude, comme tous les soirs, au 01 42 48 5000. Doc, tu nous as toujours pas dit, hein, ce que tu faisais. Bien sûr, mais un jour. Un jour. Ouais, tu nous le diras quand, un de ces quatre, c'est ça? Je suis sûr que t'es un vieux cochon, toi, en plus. Ah, je suis sûr que t'as fait plein de trucs de ouf. Tu vas te faire des vieux trucs dégueulasses. Hein, Doc? À qui ne dit rien qu'on sent. Rendez-vous dès demain sur Fun Radio avec Karima, bien sûr. Je serai là aussi. Kassim, Lilou, Ludo. Et puis là, on va retrouver Mickaël No Limit, yes, comme tous les soirs. Bonsoir, Mickaël. Coucou. Comment ça va? Salut. Ça va bien, ouais. Bon, en forme, apparemment. Ah, oui. Comme tous les soirs. Bon, Doc, bah, il dit rien. Il se lâche pas là. Hein. Il nous a pas dit là. Ouais, bah. Petit jeu érotique là, on le saura bientôt, mais. Il veut pas dire. Bon, tu nous tiendras au courant. Ouais, bien sûr, pas de problème. Ça a l'air de t'intéresser, tu nous tiendras au courant. Bah oui, bah écoute, là on n'en sait pas plus, donc ça sert à rien. Mais nous, bah non, on joue non. Pas, nous. Bah oui, c'est on ça. Défonce, nous. Mais venez avec nous. Mais oui, bah non, ils ont pas de jeu érotique, pas. Ils vont direct au but. Bah, bien sûr, ouais, droit au but, perd pas de temps. On fait comme Benzema, direct au but. Voilà. 2-0, hein, 2-0. Direct, exactement, ouais. Bravo. Non, ce qui est bien, c'est quand on entend les commentateurs de TF1. Oh, Karim Benzema, c'est. Alors qu'il y a 3 mois, c'est quel enculé, alors il n'a rien à faire là, c'est une merde. Exactement. Putain, sans déconner, t'as raison. Jean-Pierre. Bah oui. J'adore. Enfin, voilà, c'est gros le petit coup de gueule footballistique. Oui, bon. Tu as raison, Mickaël. Allez, bonne soirée à vous et à demain. Bisous, à demain. Salut, ciao, on est parti jusqu'à 2h du mat. Ah, j'ai enfin trouvé la lampe du génie. Je vais enfin pouvoir faire les 3 vœux. Alors, que Mickaël No Limit dure longtemps, qu'il continue à nous faire rire et qu'il soit tous les soirs au top. Tu ne désires pas de montagne d'or, de Ferrari ou d'un vie éternelle? Non, Mickaël m'offrira le reste. Oh my god! Mickaël, No Limit. De 23h à 2h sur Fun Radio. Exactement, on est là. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bon, si quelqu'un vous dit qu'il n'y a rien à la radio le soir, c'est parce qu'il ne connaît pas encore l'émission. Alors parlez-en autour de vous, hein, pour que tout le monde le sache. C'est sur Fun Radio que ça se passe. De 23h à 2h du mat, du lundi au jeudi, et puis de 20h à minuit le dimanche soir également. Comme avec Yanis qui est avec nous maintenant de Drancy dans le 93. Salut Yanis. Salut Mickaël. Comment vas-tu? Tranquillement. Bah tant mieux, écoute, sois le bienvenu, t'as passé une bonne journée? Ouais, plutôt bonne, ouais. Bon, t'as regardé le match ou pas là? Non, j'ai pas eu le temps, je travaillais. Ah merde, bon bah la France a gagné 2-0 là. Ah bah 2-0. Je regarde en replay de toute façon. 2-0. Ouais, c'est pas grave. Je viens de balancer le dossier. Un avant-goût du match. D'accord, ok. Et puis bah la Belgique 2-2 là, ça avait bien démarré, hein. Et puis dernière minute, pam. Et voilà. Et puis le Portugal 1-1 pour l'instant. Il y a l'Espagne et l'Italie qui jouent encore et c'est 0-0. Voilà, pour le reste, on vous tient au jus pour les deux derniers matchs qui se passent là comme ça. Au moins c'est fait. Il y a Chloé sur le Facebook qui dit enfin Mickaël, merci Chloé, gros bisous. Il y a Toffem la sodomie sur le Twitter. Mais c'est vrai. Ceux qui n'écoutent pas Fun Radio 23h sont des grosses baltringues. Moi je vous défonce tous bande de PD si vous écoutez pas. Ah ouais, c'est sympa. Que d'amour. Ah ouais. Le Messi de la vanne également sur le Twitter qui dit après ce beau match France-Pays-Bas place à Mickaël. Ouais, ça a juste terminé quand on a démarré, c'est parfait. Ah, c'est le timing. Exactement. Et la petite fée sur le Twitter qui dit un grand merci à Mickaël de m'avoir ajouté à la liste du Wiz, t'es un amour, hashtag tof enculé. Bon, pourquoi t'as viré ou c'est passé quoi? Non, je sais pas. D'accord, bon, et Lola également, salut l'équipe, salut Lola, salut à vous tous et vous tous qui êtes derrière la radio, là, sur le Facebook, sur le Twitter, tout simplement, ou ceux qui nous écoutaient sans pour autant réagir, hein, via les SMS, via le téléphone ou même via les réseaux sociaux. Vous êtes quand même les bienvenus, vous pouvez donc nous appeler de suite, 01 42 48 5000, ou pour la Belgique, comme je le disais, le 02 851 4x0, pour venir parler de ce que vous voulez à l'antenne avec nous. Sandro qui est là également, en pleine forme. Ouais, ça, salut. Ouais, ça va, je suis occupé là. Comme d'habitude. Je suis débordé, mais pas me faire chier. Hein. Toff qui est également prêt à rencontrer de nouveaux amis. C'est ça que tu aimes, te faire sodomiser, toi. Hein, bah voilà, j'adore ça. Ah oui, on en fera d'autres des appels tout à l'heure avec une nouvelle question. Ah oui. Très sympathique, on la nouvelle question. Eh bah, tu verras, ouais. Je vous en parlerai d'ici un petit quart d'heure. Restez bien là. Et puis bah, si vous avez des numéros de téléphone de gens qu'on peut appeler hein, d'ici un gros quart d'heure, n'hésitez pas à aller. Proposé sur le mail de Toff, toph@funradio.fr. Alors, soit des gens qui sont de boutards, soit des gens aussi sympathiques que celui-là. Ça que tu aimes, te faire sodomiser, toi, hein. Voilà. Manique ta mère, hein. Voilà. Bon, donc n'hésitez pas, toph@funradio.fr. Polo, qui est toujours souffrant? Ouais, un peu, j'ai encore mal au cul, comme depuis 2 semaines. D'accord, ok, bon, très bien. Et puis, je rappelle également qu'on va se déplacer, on sera à Neu-les-Mines vendredi, et samedi soir, on sera au Havre. Je vous donnerai plus d'informations d'ici quelques minutes. On accueille également Marion avec nous maintenant dans le Haut-Rhin de Warbourg. Ah, bonsoir Marion. Salut Mickaël. Comment ça va? Ça va.

Non. Alors, par SMS encore, la lune ou le soleil? Non. Des yeux ou une poupée russe? Non. Bon, bah, très bien. Bah, si vous avez la bonne réponse, il reste 5 minutes. Allez-y, maniez-vous. Hein. Facebook.com/MIKL officiel. Vous nous rejoignez sur le Facebook de l'émission. En plus, je vous ai mis une belle photo comme Polo les aime. J'essaie de trouver toute la semaine des photos un peu originales où j'ai l'air surpris, où j'ouvre la bouche, où j'ai une tête de con à chaque fois. Donc, allez la voir, au moins pour la voir quand même. Hein. Mettez un petit like dessus si vous la trouvez drôle. Et puis, je vous ai mis la colle également. Donc, vous allez pouvoir la lire et y répondre au tir au sort dans moins de 5 minutes. Et vérifiez bien votre boîte à messages Facebook car on vous demande votre numéro de téléphone pour que vous puissiez passer à l'antenne. Donc faites attention. Bon Marion, bonne chance en tout cas. Je rappelle que si quelqu'un a la bonne réponse et qu'il est tiré au sort et passe à l'antenne, il gagne, tu perds. S'il n'a pas la bonne réponse ou que tout simplement il ne décroche pas quand on l'appelle, c'est toi qui vas gagner Marion, d'accord? Ok. A tout de suite. A tout. Allez, à tout de suite. Et on va se faire aussi le karaopé dans quelques minutes. Karaopé, c'est très simple. Hein. On a lancé ça il y a 3 semaines. 3 semaines à peu près. Un mois. Donc le principe est très simple. Je vous passe un titre, par exemple, lequel je pourrais mettre. Celui-là, voilà, par exemple. Découvrir quelle est la version originale et en l'occurrence c'était tous les mêmes de Stromae. Ah, écoutez bien. Alors c'est vrai qu'à la première écoute quand la version P c'est quand même hard et quand on entend la version G on se dit évidemment, parce que c'est trop simple. C'est pas sur une partition que le P a été joué, hein, bah c'est au feeling. Et bien sûr, donc si vous avez envie de jouer avec nous, alors je vous le dis, il y a rien à gagner, hein, c'est juste pour le fun. Vous nous appelez 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. On cherche deux garçons et deux filles pour jouer avec nous. On a déjà presque ce qu'il faut, mais allez-y, appelez-nous quand même 01 42 48 5000 et donc 02 851 4x0 depuis la Belgique. Salim qui dit mais elle est conne, la réponse c'est l'aiguille, elle s'est trompée. Ah bon? Tu t'es trompé Marion? Ben, c'est qu'une partie. Comment ça? Ah non, c'est pas trompé. Non, ah, c'est donc, pas trompé. Pas l'aiguille, trompé. C'est qu'une partie de la réponse. Ah d'accord, ok. Bah Salim, du coup, grâce à toi, les autres ont eu des indices. Bah bravo. Qui est bête? Eh bah complètement. On se demande bien qui est le con. Bravo Salim. Oh, dis donc, toi, et oh. Qui parle? Qui soit puni. Eh bah complètement, mais on va attendre quand même un petit peu, sinon on va dire que j'abuse un petit peu de mes privilèges. Bon, le karaopé, c'est dans moins de 10 minutes sur Fun Radio, donc restez là. Et puis on va également récupérer Yanis qui nous avait appelé en début d'émission parce que il a fait une connerie, il a tué la voiture de son pote. Et son pote, pour se venger, qui était quand même une vengeance plutôt cool de sa part, t'a donné rendez-vous dans une boîte. On t'a pas précisé que c'était une boîte gay, bien entendu. T'es arrivé là-bas tout seul et puis forcément... Tu as découvert une nouvelle sexualité. Peut-être, par exemple. Et donc il y a Nicolas qui est avec nous également dans G. Salut Nico. Salut Mickaël, salut toute l'équipe. Comment ça va Nico? Ah bah ça va très bien et vous? Eh ben écoute, on va plutôt pas mal hein, Nico, on va même très bien Nico. Alors, tu voulais réagir à Yanis toi? Est-ce que tu t'es déjà fait avoir par un pote? Genre une petite vanne sympathique? Ouais, je me suis en fin de compte, mais bien fait avoir. En fin de compte, j'étais à l'internat, ça s'est passé il y a quelques années de ça. Et en fin de compte, c'était un mercredi matin. Et j'ai les camarades de classe qui m'ont fait un coup foireux. Et ils m'ont dit, le prof et tout, ce matin, il parlait et tout. Du coup, vous avez permanence. Enfin, on avait le prof 4 heures, en fait. D'accord. Donc, du coup, il n'y avait pas cours. Ouais. Et je dis super cool, pas cool, on peut se balader on peut être en cours quoi. Mm-hmm. Et sauf que je pars pour aller en quoi et peut-être 5-10 minutes plus tard, je vois le prof en question qui était en train d'aller vers le lycée quoi. Et là j'ai compris qu'on m'avait fait un gros coup foireux quoi. Ah bon? Ah ouais. C'est bon ça. Et du coup t'as eu quoi? T'es dans la merde ou pas? Bah ouais, en plus il y avait contrôle ce matin-là, donc je suis arrivé en retard, j'ai une demi-heure de moins pour le faire, mais j'ai eu de la chance, je me suis pas bouffé une sale note, quoi. Eh ben écoute, ça va, t'as eu de la chance quand même, au final. Ouais, un peu. Et du coup, t'as dit quoi à ton pote? Ta mère, hein. Tu l'as dit ou pas, ça, non? Non, mais bon, je l'ai voulu un peu quand même, quoi, parce qu'en fin de compte, c'est pas un seul, c'est plusieurs qui m'ont fait le coup, en fait. Ah donc, oui. Je leur en ai un peu voulu quand même, mais bon. Ouais, mais s'ils te l'ont fait, tu dois savoir pourquoi, à mon avis. Bah non, le pire c'est que je faisais chier personne en fait. C'est ça, oh genre le pauvre. Non. C'est vrai, je faisais vraiment chier personne. Ouais. C'est plutôt on venait me faire chier en fait. Ah oui d'accord, t'es la victime quoi.